Luc chapitre 9. Puis Jésus ayant assemblé ses 12 disciples, leur donna puissance et autorité sur tous les démons, et le pouvoir de guérir les malades. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades. Et leur dit, ne portez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez point chacun deux robes. Et en quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et partout où l'on ne vous recevra point, en partant de cette ville-là secouez la poudre de vos pieds, en témoignage contre eux. Eux donc étant partis, allaient de bourgade en bourgade, évangélisant, et guérissant partout. Or Hérode le tétrarque ouït parler de toutes les choses que Jésus faisait, et il ne savait que croire de ce que quelques-uns disaient, que Jean était ressuscité des morts. Et quelques-uns, qu'elle y était apparue, et d'autres, que quelqu'un des anciens prophètes était ressuscité. Hérode dit, j'ai fait décapiter Jean, qui est donc celui-ci, de qui j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Puis les apôtres étant de retour, lui racontèrent toutes les choses qu'ils avaient faites. Et Jésus les emmena avec lui, et se retira dans un lieu désert, près de la ville appelée Bethsaïda. Ce que les troupes ayant su, elles le suivirent, et il les reçut. Il leur parlait du royaume de Dieu, et guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Or, le jour ayant commencé à baisser, les 12 disciples vinrent à lui, et lui dirent, « Donne congé à cette multitude, afin qu'ils s'en aillent aux bourgades et aux villages des environs, pour s'y retirer, et trouver à manger, car nous sommes ici dans un pays désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Et ils dirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins que nous n'allions acheter des vivres pour tout ce peuple. » Car ils étaient environ 5000 hommes. Et il dit à ses disciples, « Faites-les arranger par troupes, de 50 chacune. » Ils le firent ainsi, et les firent tous arranger. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il les bénit, et les rompit, et il les distribua à ses disciples, afin qu'ils les missent devant cette multitude. Et ils en mangèrent tous, et furent rassasiés, et on remporta 12 corbeilles pleines des pièces de pain qu'il y avait eu de reste. Or il arriva que, comme il était dans un lieu retiré pour prier, et que les disciples étaient avec lui, il les interrogea, disant, « Qui disent les troupes que je suis ?» Ils lui répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres, Élie, et les autres, que quelqu'un des anciens prophètes est ressuscité. » Il leur dit alors, « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondant, lui dit, « Tu es le Christ de Dieu. » Mais usant de menaces, il leur commanda de ne le dire à personne. Et il leur dit, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens, et des principaux sacrificateurs, et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Puis il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, et qu'il charge de jour en jour sa croix, et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la sauvera. Et que sert il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruit lui-même, et se perd lui-même? Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra en sa gloire, et dans celle du Père, et des saints anges. Et je vous dis, en vérité, qu'entre ceux qui sont ici présents, il y en a qui ne mourront point jusqu'à ce qu'ils aient vu le règne de Dieu. » Or il arriva, environ 8 jours après ces paroles, qu'il prit avec lui Pierre, et Jean, et Jacques, et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, la forme de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc, en sorte qu'il était resplendissant comme un éclair. Et voici, deux personnages, savoir, Moïse et Élie, parlaient avec lui. Et ils apparurent environnés de gloire, et ils parlaient de sa mort qu'il devait souffrir à Jérusalem. Or Pierre et ceux qui étaient avec lui, étaient accablés de sommeil, et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire, et les deux personnages qui étaient avec lui. Et il arriva, comme ces personnages se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons-y donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie, ne sachant ce qu'il disait. » Et comme il disait ces choses, une nuée vint qui les couvrit de son ombre, et comme ils entraient dans la nuée, ils eurent peur. Et une voix vint de la nuée, disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et comme la voix se prononçait, Jésus se trouva seul. Et ils se turent tous, et ils ne rapportèrent en ces jours-là à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Or il arriva le jour suivant, que étant descendu de la montagne, une grande troupe vint à sa rencontre. Et voici, un homme de la troupe s'écria, disant, « Maître, je te prie, jette les yeux sur mon fils, car je n'ai que celui-là. » Et voici, un esprit le saisit, qui aussitôt le fait crier, et l'agita avec violence en le faisant écumer, et à peine il se retire de lui, après l'avoir comme brisé. Or j'ai prié tes disciples de le chasser dehors, mais ils n'ont pu. Et Jésus répondant, dit, « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je ? Amène ici ton fils. » Et comme il approchait seulement, le démon l'agita violemment, comme s'il eût voulu déchirer. Mais Jésus censura fortement l'esprit immonde, et guérit l'enfant, et le rendit à son père. Et tous furent étonnés de la magnifique vertu de Dieu. Et comme tous s'étonnaient de tout ce qu'il faisait, il dit à ses disciples, « Vous, écoutez bien ces discours, car il arrivera que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. » Mais ils ne comprirent point cette parole, et elle leur était tellement obscure, qu'ils ne la comprenaient pas, et ils craignaient de l'interroger touchant cette parole. Puis ils entrèrent en dispute, pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Mais Jésus voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, et le mit auprès de lui. Puis il leur dit, « Quiconque recevra ce petit enfant en mon nom, me reçoit, et quiconque me recevra, il reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit d'entre vous tous, c'est celui qui sera grand. » Et Jean prenant la parole, dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne te suit point avec nous. » Mais Jésus lui dit, « Ne l'en empêchez point, car celui qui n'est pas contre nous, est pour nous. » Or il arriva, quand les jours de son élévation s'accomplissaient, qu'il dressa sa face, tout résolu d'aller à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers, qui étant partis entrèrent dans une bourgade des Samaritains, pour lui préparer un logis. Mais les Samaritains ne le reçurent point, parce qu'il paraissait qu'il allait à Jérusalem. Et quand Jacques et Jean, ses disciples, virent cela, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions, comme fit Élie, que le feu descende du ciel, et les consume ?» Mais Jésus se tournant, les censura fortement, en leur disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire périr les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ainsi ils s'en allèrent à une autre bourgade. Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu'un certain homme lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, partout où tu iras. » Mais Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Puis il dit à un autre, « Suis-moi. » Et celui-ci lui répondit, « Permets-moi premièrement d'aller ensevelir mon père. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va, et annonce le royaume de Dieu. » Un autre aussi lui dit, « Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. » Mais Jésus lui répondit, « Nul qui met la main à la charrue, et qui regarde en arrière, n'est bien disposé pour le royaume de Dieu. »